moi je me sens si loin d'où je viens. Qui je suis vraiment, je n'en sais rien. C'est difficile à dire, tu sais ce que je peux sentir. Je cherche, je veux trouver quelqu'un que je connais et qui frappe en dedans, qui me dit Jean-Louis, ne m'enferme pas en dehors de toi, ne m'enferme pas en dehors de toi, ne m'enferme pas. Mille et mille glaces qui déforment ma vie. Me regarder ne me dit plus qui je suis. C'est difficile à dire, à le laisser sortir. Je cherche, je veux trouver quelqu'un que je connais, qui crie comme un enfant et qui dit Jean-Louis, ne m'enferme pas en dehors de toi, ne m'enferme pas en dehors de toi, fais des petits pas, ne m'écrase pas, viens jouer avec moi. Derrière mes mille murs joue cet enfant pas mûr, mon compagnon de jeu derrière la devanture. C'est difficile à dire, à le laisser sortir. Je cherche, je veux aimer quelqu'un que je connais, qui rit comme un enfant et qui dit Jean-Louis, ne m'enferme pas en dehors de toi, ne m'enferme pas en dehors de toi, fais des petits pas, ne m'écrase pas, viens jouer avec moi. Viens jouer avec moi.